j'ai pris des coups. Faut que tu fasses gaffe où tu mets les armes, tu mets les sous. La street, le rap, c'est bien, mais les gars, vous mêlez tout, c'est pas le moment. J't'aime même si tu as pris un coup, ils me font les vicieux, tu verrais ça, tu deviendrais fou. Moi j'ai pas changé, gros, vais les sapes, j'mets que des P, j'suis en mode avant. Fais pas Zama, oh t'es trollé, ouais gros, vas-y calme. Arrête de te prendre pour Montana.